A. Prends des vacances, tu en as besoin. B. Vous êtes infirmier? C'est une profession intéressante. C. Ce médecin mexicain est très sympathique. D. Elle porte un pantalon de coton marron foncé. E. C'est le printemps. Les amandiers sont tout blancs. F. Le gratin est servi. Viens, j'ai faim. G. Vous pensez sincèrement que c'est trop loin? H. Le thym et le romarin sentent bon. Quel parfum! I. Christian sera présent. Les copains comptent sur lui. J. Mes enfants mangent trop de bonbons.